Le comité Suisse-Corée et le Cercle suisse d'études des Zhejiazhe ont publié le 19 juillet une déclaration commune contre les États-Unis et leurs suivistes japonais et sud-coréens qui intensifient le danger de guerre nucléaire dans la péninsule coréenne.